sable blond, très loin de Paris. Il y a une fille à la peau bronzée et aux dents nacrées. Je la vois sourire, je l'entends courir, je brûle de désir. Elle me tend les bras, elle m'attend là-bas, en Polynésie. Je partirai à Tahiti, je m'en irai au paradis, au soleil, loin d'ici. En croquant un fruit, elle rêve à la nuit. J'enlèverai le collier fleuri qu'elle a pour habit. Et puis au matin, la peau de satin de ses seins sucrés bénira l'été en plongeant dans l'eau rougie de coraux. Je partirai à Tahiti, je m'en irai au paradis, au soleil, loin d'ici. Mais de cet amour, après mon retour, il ne restera qu'un chant de là-bas et l'odeur aimée de son corps ambré. Mais à la pensée d'attendre une année pour y retourner, du soir au matin, pour calmer ma faim, je chante ce refrain. Je partirai à Tahiti, je m'en irai au paradis, au soleil. À Tahiti.